Chapitre 3e. Dans la grande pièce qu'une simple chandelle éclairait, Paul Guillot, Catherine et Yann se reposaient de leur dur labeur journalier. Souvent leurs yeux se tournaient, interrogateurs, vers la muraille, où une vieille horloge de bois peint à grand ramage se dressait. La nuit était venue, et Erwan tardait à rentrer. « Le frère est long, » dit tout à coup Yann, en ouvrant la porte pour scruter le chemin. Il écouta, et comme dans la campagne aucun bruit de pas ne se faisait entendre, il retourna s'asseoir sur un escabeau, près de l'âtre où un feu de racines d'arbre achevait de se consumer. Toute la journée, Yann avait été nerveux. De sa conversation du matin avec Anaïs Brunec, il était sorti désemparé, anéanti, comme un naufragé qui voit tout sombrer autour de lui. L'aveu de la jeune fille, en lui faisant connaître que l'un aimait un autre, l'avait terrassé, et il flottait depuis, abattu et confondu devant l'impuissance de son amour, cherchant à s'accrocher à cent espoirs puérils qui, comme autant d'épaves, lui restaient dans la main. Maintenant, la tête appuyée sur ses poings fermés et les coudes aux genoux, il réfléchissait. La rentrée tardive de son frère le surprenait, et dans son cerveau exalté, une jalousie sourde s'éveillait. Jalousie que depuis plusieurs semaines, il cherchait à étouffer, mais qui perçait malgré tout, et à cette heure, il l'assaillait plus lancinante que jamais. Avec une divination d'amoureux, et d'amoureux éconduit surtout, il se disait que l'homme aimé d'Anaïk, que celui dont elle taisait le nom, et pourquoi le taire si ce n'était pas lui, ce devait, ce pouvait être que son frère Erwan. Bien des choses insignifiantes lui revenaient à la mémoire, et les moindres incidents se grossissant dans son esprit, il en tirait des déductions si claires que le doute même ne lui était plus permis. Oui, Anaïk aimait Erwan. Cette pensée le fit frissonner. Une souffrance aiguë lui traversa la poitrine, en même temps qu'une main de fer comprimait ses tempes, et le malheureux, découvrant son visage aux traits effroyablement bouleversés, tendit ses deux poings en avant d'un geste menaçant. « Ah, si cela était, si cela était !» murmura-t-il sourdement. « Quoi donc, mon frère? Qu'as-tu? Contre qui profères-tu tes menaces ?» Yann tressaillit de la tête aux pieds, à la douce voix d'Erwan qu'il n'avait pas entendu rentrer, et qui, devant lui, le regardait avec tendresse et compassion. « Je ne sais pas, » bégaya-t-il, cherchant à se ressaisir, ayant encore de l'égarement dans les yeux. Erwan le contempla silencieusement quelques instants. Peut-être devina-t-il ce qu'il se passait dans l'âme de l'infortuné, car une lueur de mélancolie passa dans ses prunelles bleues. Cependant, rien en lui ne trahit qu'il le comprit, et ce fut d'un air très naturel et d'une voix non moins calme qu'il se tourna vers ses parents et leur dit « Je suis un peu en retard, mais la réponse est bonne et va vous satisfaire. Mersac a reconnu la justesse de votre réclamation, mon père. Le compte est réglé et je vous apporte l'argent. »« Dieu soit loué !» répondit le vieux pêcheur. « Jamais un Guillot n'a réclamé une somme qu'on ne lui devait pas. Raconte-moi, mon fils, ton entrevue avec Mersac. » Le jeune homme s'assit près de la table, et tout en mangeant le modeste souper que lui servit Catherine, il fit le récit que réclamait son père. Yann s'était rapproché de lui et semblait s'intéresser beaucoup à ses paroles, mais ses pommettes rouges, ses yeux brillants et une certaine nervosité dans ses mouvements démentaient son calme apparent. De temps à autre, et malgré ses efforts, ses sourcils se fronçaient et un nuage glissait sur son front, sous l'obsédant cauchemar qui le torturait. Lorsque Erwan eut fini son repas, chacun se leva et se retira dans son coin pour dormir. Au moment de se séparer de Yann, lorsque déjà leurs parents s'étaient éloignés, Erwan s'approcha de lui et lui dit « Embrasse-moi, frère, et ta main dans la mienne. Dis que tu n'as rien contre moi. » En même temps, il attira lui pour la baiser, la chère tête qui essayait de se dérober à cette caresse. Alors, sous cette douce étreinte, sous cette ferme affection qui s'imposait à lui, la jalousie d'Yann fondit, sa rancune insensée se dissipa, une forte émotion faite de regrets et de douleurs immenses gonfla son sein et appuyant sa tête sur l'épaule de son frère, le pauvre garçon fondit en pleurs. Quelques jours passèrent tranquilles et ensoleillés pour les Guillot. Yann ne fuyait plus Erwan. Une détente s'était produite en lui, et il redevenait le frère affectueux et tendre d'autrefois. Erwan se félicita de ce changement qu'il supposa durable, et l'espoir chanta de nouveau dans son cœur. Il entrevit des jours heureux. Il crut même un moment à la possibilité d'une vie à trois entre Anaïk, qu'eût été sa femme, Yann ne guérit jamais de son étrange passion. Rêve fou, belle et insensée illusion, si vite bâtie et si vite écroulée. Cet apaisement réconfortant, cette air de bonheur et de sécurité, n'était que le prélude d'événements graves, que le calme plat qui précède la tempête. Dans le ciel bleu des guillots, l'orage allait passer, orage mille fois plus terrible que celui des éléments, lesquels, dans leur fureur, ne s'attaquent qu'aux choses, puisqu'il allait troubler les êtres, broyer les cœurs et creuser des tombes.